déjà vu les mythes, les souvenirs de guerre qui restent, qui vous dévorent toutes les tripes et vous contaminent comme la peste. On a déjà vu des enfants qui pleurent sur le drap de leur mère et qui deviennent des mendiants tout en conservant leur prière. On a déjà vu cet amour qui s'essouffle avec le temps et qui déchire et qui sépare les familles et les amants. Pour de longs mois dont les femmes pleurent le matin de peur qu'elles ne les revoient pas.